pueblos y gobiernos del mundo. No, para todos. Buenas noches. Para todos. Una noche en Latinoamérica, una propuesta de la Asociación Unidos para Torre Latino, Radio Campus 106.6 FM. Cette semaine, nous vous proposons une brève immersion interculturelle au cœur de la cosmovision qui rythme le quotidien de millions de personnes au sein des différentes communautés indigènes de la région andine. Focus aujourd'hui sur les piliers de la culture quechua. La cosmovision est une façon d'interpréter le monde, ce qui nous entoure, ce qu'on observe. Développée pendant 5 millénaires, la cosmovision andine des peuples quechua trouve ses origines avec la civilisation de Caral. Elle arrive chez les Incas et continue à se développer aujourd'hui dans les communautés originaires quechua. Avant d'attaquer le sujet, il faut comprendre les mots en quechua, car la pureté de la cosmovision andine est dans la conception du monde groupée à travers les mots du quechua. Il ne faut pas oublier que c'est une langue qui a plus de 5000 ans et a été parlée par plusieurs peuples dans toute l'Amérique du Sud, allant de l'Argentine jusqu'en Colombie, en passant par le Pérou, la Bolivie et l'Équateur. Le mot en quechua pour le bien vivre est sumac causay. Sumac qui veut dire beau, mais pas dans le sens de l'apparence, plutôt dans un sens spirituel, la beauté de l'univers, de la vie, de l'existence. Causay signifie vivre, mais c'est un concept de vivre plus profond, car c'est tout l'existant, l'univers, les pierres, les montagnes, les fleuves, tous les êtres vivants. Nous pouvons comprendre sumac causay comme la belle vie appliquée à tout l'univers. Pachamama, tierra buena. Pachamama, tierra mía. ¿Acaso estás sufriendo? ¿Acaso estás muriendo? ¿Quién te está matando, Pachamama? ¿Somos nosotros? ¿Somos los humanos en nuestra inconsciencia? Ya no llores, ya no estés triste. Te cuidaremos, Madre Tierra, te protegeremos. Hablaremos con los dioses para que todo cambie. Y elevaremos una canción, una oración. Así seguirás siendo aire puro, fuego sagrado, agua cristalina, tierra bendita, vida de la vida misma, Pachamama. Commençons par cette différence entre le moi occidental et le moi de la cosmovision andine et ses relations à la nature. Il y a deux concepts qu'il faut bien différencier, car s'ils sont similaires, ils ne sont pas identiques. C'est le bien-vivre sumac causay et le vivre mieux sumac kamanya. Ce dernier est ancré dans la conception de la vie des pays occidentaux. Nous vivons dans un monde, une société avec un rythme accéléré, dans lequel l'homme s'oublie et devient un élément de production de richesses économiques, de capital. Un des principes de cette philosophie occidentale est l'instantanéité des choses, la satisfaction instantanée des plaisirs qui fait qu'on ne se rend plus compte que les choses ont besoin de temps pour pousser, pour être, pour devenir. À force de vivre de façon accélérée, on oublie le sens de communauté. Aujourd'hui, dans les grandes villes, elles n'existent plus, mais à leur place s'est développée une jungle de tous contre tous, d'individualisme. nos ancêtres avaient une conception de la vie différente qui n'était pas autour de la génération d'argent, mais autour d'être heureux. Dans la cosmovision andine, le concept de famille est différent et plus large. Les arbres, les fourmis, les poissons, les montagnes, la nature. Tout fait partie de notre famille. En Occident, le moi représente un individu. Quand on parle en quechua de moi, on utilise le mot ñuka, ñukakani, ñukaka, je suis. Dans la cosmovision andine, le moi représente tout. Je suis la montagne, la rivière, les feuilles, les arbres. Je suis eux et ils sont moi. En cambio, en la cosmovisión andina, cuando digo yo, me refiero a todo, porque todo es yo. Yo soy la montaña, yo soy el río, yo soy las hojas de coca, yo soy los árboles. Ellos son yo y yo soy ellos. Y es por eso que dicen ñukaka kankanmi, kantak ñukakanki, ¿verdad? Que significa yo soy tú y tú eres yo. ¡Ayaya, Bolivia Pacha! Avec la cosmovision andine, nous cherchons à naturaliser l'homme, pendant que dans la conception occidentale, nous avons cherché à humaniser la nature. Aujourd'hui, nous voyons la destruction de la nature, de notre écosystème, et on comprend que ça ne peut pas continuer. Une des solutions est de comprendre que l'être humain n'est pas supérieur à la nature, ni aux montagnes, même pas supérieur à une fourmi, car chacun a une raison d'être. Dans la cosmovision andine, il existe certes un certain anthropomorphisme de la nature, mais qui est en lien avec l'effort de l'être humain de s'intégrer à la nature, de se comprendre soi-même en tant qu'enfant de la terre-mère qu'on appelle la Pachamama. C'est ainsi que naît la communauté qu'on appelle El Ayllu, une communauté cosmique qui inclut les hommes, la nature, les êtres vivants. Le bien-vivre pour les peuples originaires a comme point central de profiter pleinement de la nature, la cueillette, l'élevage des animaux, le temps de partage des fêtes, profiter des biens suffisants pour la réciprocité, d'où naîtront les valeurs de la communauté comme la confiance, l'amitié, l'alliance, l'entraide, qui sont des produits directs des relations interpersonnelles dans la laïe. Una noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino, para Radio Campus 106.6. Parlons maintenant du estar siendo, le verbe être en quechua. Il est toujours au présent continu. On dira toujours « je suis en train de manger » et non pas « je mange ». L'homme andin se situe toujours dans un espace temporel qu'on appelle le « caipacha », qui est le « ici » et le « maintenant ». Cela a une forte répercussion dans la vision des choses, car elle n'est pas basée ni sur le passé ni sur le futur, des notions qui n'existent pas dans la cosmovision andine, mais dans le présent. Il y a donc une grande différence entre le être, repris dans la philosophie occidentale comme un être éternel, au-dessus des matières et des idées, et le être en train d'être, de la cosmovision andine, qui considère qu'on ne peut être conscient que du ici et maintenant. En effet, dans la cosmovision andine, il n'est pas possible de dire que nous sommes, je suis, ou que l'être existe dans le passé ou le futur. Mais seulement que je suis en train d'être, dans l'instant présent. C'est à ce moment précis que je suis. Cela nous force à nous concentrer sur le moment présent, d'oublier le moi individuel, et commencer à nous sentir comme partie intégrante de la Pachamama, la terre-mère, à redevenir humain. Cela permet de se déconnecter du superflu, ce qui n'est pas. Quand tu apprends à être en train d'être, tu peux commencer à être heureux, à vivre en harmonie, en équilibre. Nous ne sommes plus alors enchaînés au passé, aux souvenirs que tu ne vis pas, ni au futur que tu ne vis pas non plus. En effet, qu'il s'agit seulement d'expectatives qui génèrent du stress car liées au désir. Una noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino. Para Radio Campus 106.6. Vivre et travailler ensemble, au sein d'une seule et même communauté, propriété de l'ensemble des membres. La mutualisation des valeurs travail et partage était un pilier de la civilisation précolombienne. L'Empire Inca s'organisait donc en Ayllus, qui avaient à leur charge une étendue de terre qui leur servait à s'alimenter, mais aussi à alimenter certaines catégories de la population. Les nobles, les membres de l'armée, les artisans, mais aussi les plus âgés ou les personnes malades, incapables de s'alimenter elles-mêmes. Cette organisation est très importante au sein de la cosmovision andine. La conscience de l'interconnexion du vivant avec l'autre implique que chaque être, chaque plante ou chaque animal est une composante de l'équilibre communautaire. Le moindre préjudice vécu par l'un aura des répercussions sur l'autre. La communauté n'aspire pas à la perfection. Le but est de nourrir mutuellement toutes les formes de vie et le travail est vu comme un don, une nécessité et une joie de l'esprit. C'est littéralement une activité sacrée. Le travail devient un point de rencontre et de dialogue entre les membres de la communauté. Il n'y a donc pas de violence, de subordination ou d'abus envers le travailleur. L'État plurinational de Bolivie tente de remettre ce système d'organisation communautaire au cœur de la politique nationale et bien entendu locale. De nombreux organismes, dont le plus connu est la CONAMAC, défendent l'idée de reconstituer des Ayllus dans les communautés les plus reculées des hauts plateaux du pays, dans le but de redonner une réelle et libre autonomie politique garantissant le respect des droits des peuples indigènes. Ces revendications sont le fruit d'une volonté de se voir restituer les terres volées aux populations autochtones, notamment lors des différents épisodes de colonisation. Les communautés s'organisent politiquement et socialement pour répondre aux besoins de toutes et tous. Des élections désignent des autorités, hommes et femmes, qui président les réunions régulièrement organisées dans les communautés. Tous les sujets sont débattus pour une prise de position commune. On y discute d'infrastructures, de santé, de projets, et parfois même de justice. Si un membre de la communauté ne respecte pas les règles, alors celle-ci peut lui imposer une peine ou proposer son exclusion. On parle ici de justice communautaire, pilier fondamental, rappelons-le, du vivre ensemble. La cosmovision andine est la vision de préservation de la nature, du cosmos vivant appelé Pachamama, et de la relation entre l'être humain et la terre-mère. C'est également la vision du communautarisme andin basé sur la réciprocité et le partage, le Aini, et sur la préservation des relations humaines, du vivre ensemble, le Ayu, de l'amour, et le respect envers les êtres vivants, les enfants, les seniors, les arbres, les montagnes, les fleuves et l'univers tout entier. Tout a une âme, tout est force de vie. Ainsi l'homme est comme les fleuves, les animaux et les montagnes. Il ne cherche pas à dominer, mais plutôt à harmoniser et s'adapter pour coexister avec la nature et comme faisant partie de cette dernière. Retrouvez nos podcasts et toute l'activité de l'association Unidos sur www.asso-unidos.com.